Bonjour ou bonsoir. Voici donc la lecture d'un article de Alexandre Penas qui est publié le 2 juillet sur le site Kairos. C'est kairospresse.be et son titre est « La meilleure arme des riches, qu'on veuille leur ressembler ». Si la lutte contre la pauvreté semble incarner une volonté de changement, la réalité démontre pourtant, malgré les discours, une aggravation de la situation. Plus de pauvres, des pauvres encore plus pauvres, mais aussi davantage de riches et des riches qui le deviennent chaque jour un peu plus. Et si, au-delà des apparences, la lutte contre la pauvreté n'était pas paradoxalement, dans une société qui valorise le désir de richesse, le meilleur moyen d'assurer aux plus nantis la certitude qu'ils ne seront pas dérangés. Les politiques, les milieux associatifs et les médias se focalisant constamment sur la pauvreté, on en oublie qu'elle est, dans notre société économicide, d'économiciste inégal, intrinsèquement liée à la richesse, et que la traiter seule, sans les lier dialectiquement, ne peut déboucher sur aucun changement véritable. Pour le dire autrement, on ne pourra éradiquer la misère sans abolir la richesse. Agissant sur la pauvreté uniquement, elle se reproduira ad vitam aeternam, les interventions ne servant qu'à soulager le pauvre, lui donner un minimum de moyens d'existence, sorte de palliatif social contenant le risque d'une révolte de masse. À l'instar des conférences sur le climat qui ont vu en 20 ans d'existence les émissions de CO2 augmenter de 60%, on n'explique pas mieux l'aggravation de la misère dans le monde, alors même que ne cessent de se multiplier les grands projets d'aide aux pauvres et que l'économie dispose de tous les moyens nécessaires pour, au moins, assurer leur survie. Il serait toutefois bien naïf de voir dans cette situation une erreur ou un accident, comme l'effet d'un fourvoiement de politique qui se serait ingénument trompé de cible, mais de situer dans ce spectacle des solutions la cause de la continuité. Si, par ailleurs, il semble difficile de mettre des limites à la fortune par diverses mesures politiques dans un style économique capitaliste où la démesure est structurelle, les probabilités de voir ces limites se concrétiser s'éloignent d'autant plus du domaine du possible, alors que le désir de richesse se répand dans la société et colonise les esprits de toutes les classes sociales, et particulièrement les plus pauvres. Car l'objectif d'enrichissement n'a pas toujours été quelque chose de valorisé, mais prendrait naissance au XVIe siècle, à un moment où l'économie marchande de l'Europe occidentale a été littéralement dopée par l'injection massive de richesses rapportées par les grands pillages du colonialisme naissant. C'est de cette époque qu'on peut dater le début de l'intoxication idéologique des pays occidentaux par l'économisme, c'est-à-dire par l'obsession de l'enrichissement qui devait progressivement, une génération après l'autre, envahir tout le corps social pour en arriver à l'infection en voie de généralisation dont nous risquons de mourir aujourd'hui. Progressivement, insidieusement, aux valeurs fondamentales de la civilisation héritées de leur histoire et qui faisaient obligation de principe à nos prédécesseurs de chercher à réaliser toujours davantage dans leur œuvre individuelle et collective le bien, le juste, le vrai, le beau, est venu s'ajouter le riche. Valeur d'abord marginale, qui a fini par devenir centrale et par supplanter ou se subordonner toutes les autres. Très vite donc, le pillage des colonies et les richesses matérielles qu'il offre à la métropole, il suffit de penser au façonnage de la Belgique par l'exploitation coloniale du Congo, instille dans les esprits l'instinct de lucre. Le fait que la loterie prenne naissance dans les colonies ne doit d'ailleurs rien au hasard et recèle une formidable signification idéologique, notamment dans les fondements de notre religion du progrès. Et ce désir d'accumulation, de richesse individuelle, répond du même processus psychique que tout désir. Le désir est une force purement psychique qui naît de l'insatisfaction d'un besoin. Si tout manque était immédiatement et pleinement comblé, il n'y aurait plus de plaisir imaginé, c'est-à-dire plus de désir. Mais ce danger est exclu, car il reste toujours une fraction d'insatisfaction de laquelle renaîtra le désir. Le désir n'est donc jamais tout à fait comblé, et ce n'est pas en soi un problème, en fonction évidemment de l'objet sur lequel le désir se porte. S'il concerne l'alimentation, la sexualité ou les connaissances par exemple, on ne peut y voir dans le cadre de satisfaction normale quelque chose de problématique. Si par contre, le désir est celui de posséder plus, impliquant un accroissement indéfini d'argent et de biens, la satisfaction demandant sans cesse à être renouvelée, que ce soit par les placements boursiers ou l'optimisation fiscale pour les particuliers, les fusions, les acquisitions ou les délocalisations pour les entreprises, dans un monde fini, l'enrichissement ne pourrait se faire qu'au détriment des autres, se nourrissant du travail et de la terre. Le riche, toléré par l'espoir. Pour taire cette exploitation, au profit de la minorité des 1%, mais aussi des autres, on est parvenu à quelque chose de formidable en propageant l'idée que les riches sont nécessaires à la société et donc aux pauvres, là où les premiers, en ayant bénéficié de mesures politiques qui leur étaient particulièrement favorables, ont participé à la pauvreté des seconds. Qu'ils disent, en bout de course, vouloir aider, après qu'ils les ont pillés. À cette aura favorable du riche sauveur, se greffera une fascination pour la richesse qui l'exclura d'emblée lorsqu'il faudra faire l'étiologie de la misère. Cette fascination et ce désir de richesse pourtant, s'ils sont par définition immatériels, ont des effets bien concrets sur le réel, c'est-à-dire, et c'est là pardon, un point essentiel, le nouveau dieu argent, le même pour tous, unifie dans un même corps social l'ensemble des individus. Le rapport de causalité intrinsèque entre richesse et pauvreté se voit gommé par une même croyance, un même désir d'approcher la fortune, car en la désirant pour soi, on en vient à l'accepter pour l'autre. Ou plutôt, on se doit logiquement de l'accepter. On ne peut pas reprocher à l'autre d'être ce que nous voudrions devenir. La tolérance à l'égard du fortuné est dès lors prédominante si on escompte jouir du même type de prérogatives que lui. L'illusion demeure également, car le grand subterfuge socialement véhiculé est celui que tout le monde pourrait devenir riche. Cette illusion, fondée donc sur la disjonction mentale entre richesse et pauvreté, repose sur les mêmes fondements que l'idéologie du développement qui voudrait que nous faire croire que le Sud pourra un jour rattraper le Nord en adoptant un même mode de production et de consommation alors même que le mode de vie du Nord dépend de l'exploitation du Sud. Que le généraliser reviendrait à faire disparaître les avantages du Nord et s'avère donc impossible. Comme le disait à ce sujet Simon Leys, à propos de ceux qu'on devrait le moins suspecter de conservatisme. Tous les partis de gauche dans les pays industrialisés reposent fondamentalement sur une hypocrisie, car ils affichent de combattre quelque chose dont, en profondeur, ils ne souhaitent pas la destruction. Ils ont des objectifs internationalistes, et en même temps, ils sont bien décidés à maintenir un niveau de vie qui est incompatible avec ces objectifs. Nous vivons tous de l'exploitation des coulis asiatiques et ceux d'entre nous qui sont éclairés soutiennent que ces coulis devraient être libérés. Mais notre niveau de vie et donc aussi notre capacité de développer des opinions éclairées exigent que le pillage continue. L'attitude humanitaire est nécessairement le fait d'un hypocrite. saut sémantique, mais qui a toutes ses raisons, car de même qu'il est un contresens d'envisager une richesse individuelle généralisée, tous riches, il est tout autant absurde d'imaginer un monde capitaliste développé sans misère et sous-développement. Le riche, comme le développé, donc l'occidental, ont besoin du miséreux et du sous-développé pour être ce qu'ils sont. Le grand mensonge du possible rattrapage maintient le système en place et parvient à ce que ceux qui sont les plus victimes des inégalités en viennent à les tolérer, persuadés qu'ils basculeront un jour dans la classe des nantis. En 1996, pratiquement deux tiers des Américains, 64%, âgés de 18 à 21 ans, pensaient qu'il était très probable ou assez probable qu'ils deviennent riches. 10 ans plus tard, ils ne l'étaient toujours pas. La part de la population gagnant 100 000 dollars par an avoisinait 7%. Bien entendu, il reste à cette cohorte particulière encore un peu de temps, mais le fait est là. Dans une société où seulement 7% de la population gagne 100 000 dollars par an, le fait que 64% de cette population s'imagine pouvoir un jour rejoindre ces 7% relève d'une profonde erreur de jugement. Erreur de jugement car qui n'en a pas moins un effet considérable sur la manière dont on perçoit son groupe et le changement social. Car l'attente de la richesse, outre, comme on l'a dit, qu'elle génère automatiquement une affinité avec le riche, postpose sans cesse la lutte pour l'inégalité. L'illusion auto-entretenue bafoue toute possibilité de changement social pour opérer un repli sur la seule mobilité sociale individuelle. Nous sommes ici au cœur de l'idéologie de l'inégalité des chances et du self-made man. À force de travail et de persévérance, l'ouvrier peut devenir patron, le garçon d'ascenseur peut devenir directeur et l'acteur de cinéma chef d'État. L'idée que, en Amérique, on peut être n'importe quoi pourvu qu'on le veuille, le rêve américain. Le système capitaliste ne fonctionne pas seulement par l'exploitation, la spoliation et l'oppression du plus grand nombre, mais aussi par l'adhésion de la plupart au système qui les exploite, les spolie, les opprime. C'est-à-dire qu'il fonctionne à l'aliénation psychologique et morale entretenue par des espérances de succès individuel et d'accomplissement personnel, le plus souvent fallacieuses. Extrait de Alain Accardo, Le petit bourgeois gentilhomme, aux éditions Agone, à Marseille, sorti en 2009, et c'est à page 79, hyper précis. Je reprends la lecture du texte. La perspective constamment renouvelée de rejoindre la classe des nantis, que ce soit indifféremment dans un rapport de classe nationale ou dans un rapport Occident-non-Occident, empêche donc le sujet de se penser comme membre pérenne d'une classe subalterne. Elle le postpose indéfiniment dans une classe fantasmée. Il y est sans y être. Ce désir atomise par ailleurs la collectivité, créant des individus constamment dans l'expectative de la chance à saisir qui les propulsera dans le groupe qu'ils valorisent. Et en effet, la littérature relative à la mobilité sociale fournit un matériel particulièrement abondant sur les représentations idéalisées. Dans la plupart des sociétés, il semble exister un système de stratification dominant, et dans la plupart des sociétés stratifiées, on idéalise les positions supérieures et on aspire à passer à des positions inférieures aux positions supérieures. Cette attitude ne traduit pas simplement le désir d'avoir une situation prestigieuse, mais aussi le désir de se rapprocher du foyer sacré des valeurs sociales établies. Les dominants savent l'importance capitale de cet espoir, acquiesçant tous à la réflexion de ces deux auteurs d'un think tank conservateur. L'égalité des chances est un principe exigeant. Il est indispensable à la survie de notre système politique que les gens le tiennent pour un système globalement juste. Si cette conviction disparaissait, les répercussions pourraient être considérables. Les riches aiment les pauvres. Que ce soit au plan individuel ou au niveau national, La construction sociale de la pauvreté à l'échelle mondiale sert infiniment plus la cause d'un système productiviste favorable aux intérêts des riches et des dominants que celle des pauvres qu'elle prétend aider. Il faut donc que classe bourgeoise et supérieure fassent le spectacle de leur amour du pauvre. Dans ce sens, aux violences sociales et identitaires que produisent les inégalités, répond un discours de la diversité et de la lutte contre les racismes qui se développe non sans hasard à partir des années 80, alors qu'en France et dans d'autres pays européens se mettent en place progressivement les politiques néolibérales inspirées de Thatcher et de Reagan, qui conduiront à produire des fortunes indécentes et à une formidable casse sociale dont les étrangers pâtiront plus durement. Et pendant qu'on érige en amont une répartition des revenus favorable aux plus riches, on développe en aval un spectacle de la redistribution qui n'a au fond que deux buts principaux. Aménager les effets sociaux les plus violents émanant des choix politiques d'un État soumis au capital. Répandre l'idée que les riches sont généreux et que grâce à eux, la pauvreté se réduit. Les pauvres apprendront ainsi à aimer les riches et les riches à aimer les pauvres, gage de la pérennité d'une société inégale où les deux groupes resteront coprésents et unis. Et oui, les riches aiment les pauvres car ils en ont besoin. Alors que les pauvres aiment les riches non pas parce qu'ils en ont besoin mais parce qu'ils voudraient leur ressembler. Il est donc préférable pour tout le monde, ceux qui sont déjà riches tout comme ceux qui souhaitent le devenir, de lutter contre la pauvreté, ersatz de la véritable lutte radicale contre la richesse. Voilà, c'était donc un article de Alexandre Penas. Il est truffé d'extraits avec des renvois vers les auteurs, etc., etc. Donc je vais vous mettre le lien précis de l'article dans la description de cette lecture pour vous permettre d'aller, comme d'habitude, plus loin en allant chercher les sources. Et je vous souhaite une très très bonne journée ou une soirée ou une nuit même peut-être. Et à très bientôt. Au revoir.